Saint Augustin, œuvre dogmatique de la Trinité. La Trinité au ciel. Livre 15e. Chapitre 4. Ce que toute créature nous apprend de Dieu. Cherchons donc la Trinité qui est Dieu dans les réalités éternelles, immatérielles et immuables, dans la parfaite contemplation desquelles on nous promet la vie heureuse, qui ne peut qu'être éternelle. L'existence de Dieu ne repose pas seulement sur l'autorité des livres divins, mais tout ce qui nous environne, mais la nature entière à laquelle nous appartenons, nous aussi, proclame l'être infiniment parfait qui les a créés, qui nous a donné une âme et une raison naturelle, en vertu de laquelle nous voyons qu'il faut préférer ce qui vit à ce qui ne vit pas, ce qui sent à ce qui ne sent pas, ce qui comprend à ce qui ne comprend pas, l'immortel au mortel, la puissance à l'impuissance, la justice à l'injustice, la beauté à la laideur, le bien au mal, l'incorruptible au corruptible, ce qui ne change pas à ce qui change, l'invisible au visible, l'immatériel au matériel, le bonheur au malheur. Par conséquent, comme nous mettons sans aucun doute le Créateur au-dessus des choses créées, il est nécessaire qu'il possède la vie à un plus haut degré, qu'il connaisse et comprenne tout, qu'il ne soit sujet ni à la mort ni à la corruption, ni au changement, qu'il ne soit point corps, mais esprit, et le plus puissant, le plus juste, le plus beau, le meilleur et le plus heureux de tous les esprits. Chapitre 5. Combien il est difficile de démontrer la Trinité par la raison naturelle. Tout ce que j'ai dit et tout ce que le langage humain peut exprimer qui soit digne de la divinité, s'applique à toute la Trinité, qui est un seul Dieu, et à chacune des personnes de cette même Trinité prise en particulier. Qui oserait, en effet, affirmer soit de Dieu seul, qui est la Trinité même, soit du Père, ou du Fils ou du Saint-Esprit, qu'il ne vit pas, qu'il ne connaît ou ne comprend pas, ou que, dans cette même nature où l'on enseigne qu'ils sont égaux, l'un d'eux est mortel, ou corruptible, ou sujet à changement, ou matériel? Ou bien qui osera dire que l'un d'eux n'est pas très puissant, très juste, très beau, très bon, très heureux? Si donc ces choses et toutes celles de ce genre peuvent se dire de la Trinité même et de chacune des personnes en particulier, où et comment découvrirons-nous la Trinité? Réduisons donc ces divers points à un petit nombre. Car ce qu'on appelle vie en Dieu, c'est son essence même et sa nature. Dieu ne vit donc que de sa vie, c'est-à-dire de son essence propre. Or cette vie n'est point celle de l'arbre, qui n'a ni intelligence ni sentiment. Elle n'est point celle de l'animal, qui possède les cinq sens, il est vrai, mais est privé d'intelligence. La vie qui est Dieu connaît et comprend tout. Elle connaît par l'esprit et non par le corps, car Dieu est esprit, Jean 4, 24. Dieu ne connaît pas par le corps, comme les animaux qui ont un corps, car il n'est point composé d'une âme et d'un corps. Par conséquent, c'est une nature simple qui connaît comme elle comprend et comprend comme elle connaît. Vu que connaître et comprendre sont pour elle la même chose. Et ce n'est point à dire qu'ils doivent cesser un jour ou qu'il ait commencé, car il est immortel. C'est avec raison qu'on a dit de lui qu'il possède seul l'immortalité. 1 Timothée 6, 6. Car celui-là seul est vraiment immortel, dont la nature n'est sujette à aucun changement. Cette vraie éternité, qui rend Dieu immuable, et sans commencement et sans fin, et par conséquent incorruptible. Ainsi dire que Dieu est éternel, ou immortel, ou incorruptible, ou immuable, c'est dire une seule et même chose, et affirmer qu'il est vivant ou intelligent, c'est-à-dire sage, c'est encore tout un. car il n'a pas reçu la sagesse dont il est sage, mais il est lui-même la sagesse. Et cette sagesse est sa vie, et aussi la vertu ou puissance qui le rend puissant, et la beauté qui le rend beau. Quoi en effet de plus puissant et de plus beau que la sagesse qui atteint d'une extrémité à l'autre avec force et dispose toutes choses avec douceur ? Sagesse 8.1. Et sa bonté et sa justice se distinguent-elles dans sa nature comme dans ses œuvres ? Sont-elles deux qualités diverses, dont l'une s'appelle la bonté, et l'autre la justice ? Pas le moins du monde. Mais la justice est la même chose que la bonté, et la bonté la même chose que le bonheur. Or on dit que Dieu est immatériel ou incorporel, pour faire comprendre et admettre qu'il n'est point corps mais esprit. Quand nous disons « éternel, immortel, incorruptible, immuable, vivant, sage, puissant, beau, juste, bon, heureux, esprit », il semblerait que cette dernière expression seule se rapporte à la substance, et que les autres n'indiquent que les qualités de cette substance, mais il n'en est pas ainsi dans cette nature ineffable et simple. Car tout ce qui semble, là, désigner une qualité, doit s'entendre de la substance ou essence. Gardons-nous de dire que Dieu est esprit quant à la substance, et bon quant à la qualité, car ces deux choses tiennent à sa substance. Et ainsi des autres attributs que j'ai cités tout à l'heure et dont j'ai déjà longuement parlé dans les livres précédents. Choisissons-en donc un parmi les quatre premiers que j'ai mentionnés dans cet ordre. Éternel, immortel, incorruptible, immuable, puisque les quatre ne font qu'un, comme je l'ai déjà dit. Pour ne pas fatiguer l'attention du lecteur, prenons le premier des quatre, c'est-à-dire l'éternité. Appliquons le même procédé aux quatre suivants, vivant, sage, puissant, beau. Et comme l'animal a une vie quelconque, mais point de sagesse, comme ces deux qualités, sagesse et puissance, sont ainsi rapprochées dans l'homme par la divine écriture, le sage est meilleur que le fort. Sagesse 5.1. Comme, d'autre part, on a l'usage de dire de certains corps qu'ils sont beaux, choisissons, dans ces quatre attributs, la sagesse. Non qu'ils soient inégaux dans Dieu, ce sont quatre noms, mais la chose est une. Quant aux trois derniers, bien qu'en Dieu ce soit la même chose d'être juste, bon, heureux, la même chose d'être esprit, juste, bon et heureux. Cependant comme, dans l'homme, il peut y avoir un esprit qui ne soit pas heureux, que cet esprit peut être bon et juste sans être heureux, et que celui qui est heureux, est certainement un esprit juste et bon. Choisissons entre les quatre ceux qui supposent nécessairement les trois autres, heureux. Chapitre 6. Comment il y a Trinité dans la simplicité même de Dieu ? La Trinité divine se démontre-t-elle par les Trinités trouvées dans l'homme, et comment ? Quand donc nous disons, éternel, sage, heureux, ces trois choses sont-elles la Trinité qu'on appelle Dieu ? Nous réduisons, il est vrai, ces douze attributs à trois. Mais peut-être pouvons-nous réduire encore ces trois à un seul. Si, en effet, sagesse et puissance, ou vie et sagesse peuvent n'être qu'une seule et même chose dans la nature de Dieu, pourquoi éternité et sagesse, ou bonheur et sagesse, ne serait-il pas aussi une seule et même chose dans cette même nature divine ? Par conséquent, comme il n'importait pas de dire douze attributs ou trois, puisque nous avons réduit douze à trois, il n'importe pas davantage de dire trois ou un, sept, un, auquel nous avons fait voir qu'on peut réduire les trois. Mais quelle méthode de discussion, quelle vigueur et quelle puissance d'intelligence, Quelle vivacité de raison, quelle pénétration d'esprit nous démontrera, pour ne rien dire de plus, comment cette sagesse qui s'appelle Dieu, est Trinité, car Dieu ne reçoit pas la sagesse d'un autre, comme nous la recevons de lui, mais il est lui, même sa propre sagesse, puisque sa sagesse n'est pas autre chose que son essence, et qu'être et être sage sont pour lui la même chose. Sans doute les saintes écritures appellent le Christ vertu de Dieu et sagesse de Dieu. Corinthiens 1, 24. Mais nous avons fait voir dans le septième livre, chapitre 1, 3, que ces paroles ne doivent pas s'entendre en ce sens que le Fils rend le Père sage. Et la raison va jusqu'à nous faire voir que le Fils est sagesse de sagesse, comme il est lumière de lumière, et Dieu de Dieu. Et, du Saint-Esprit, nous n'avons pu découvrir autre chose sinon qu'il est aussi sagesse, et que les trois personnes ne sont qu'une seule sagesse, comme elles ne sont qu'un seul Dieu et une seule essence. Comment donc comprendre que cette sagesse, qui est Dieu, est aussi Trinité? Je n'ai pas dit, comment croire, car c'est là un point hors de toute question pour les fidèles, mais s'il est un moyen pour l'intelligence de voir ce que nous croyons, quel est ce moyen? Si nous cherchons dans lequel de ces livres la Trinité a commencé à nous apparaître, nous trouvons que c'est dans le huitième. C'est là en effet que la discussion nous a amené à tourner, autant que possible, l'attention du lecteur vers cette parfaite et immuable nature, qui n'est pas notre âme. Nous la considérions alors comme étant proche de nous et pourtant au-dessus de nous, non localement, mais par sa respectable et merveilleuse présence, tellement qu'elle semblait être actuellement en nous par sa lumière. Cependant nous n'y découvrions pas encore de Trinité, parce que l'éblouissement ne nous permettait pas de fixer le regard de notre âme pour la chercher, nous nous contentions de voir d'une manière quelconque qu'il ne fallait point supposer, là, une étendue matérielle où deux ou trois fussent plus grands qu'un. Puis en arrivant à l'amour, comme l'Écriture s'indique Dieu est amour, Jean 4, 16, nous avons commencé à entrevoir la Trinité, c'est-à-dire celui qui aime, celui qui est aimé et l'amour. Mais comme cette ineffable lumière éblouissait nos yeux, et nous faisait sentir l'impuissance de notre âme à sonder ce mystère, pour soulager notre attention et nous reposer entre le début et le terme, nous nous sommes rabattus sur un sujet plus à notre portée, sur l'étude de notre âme, selon laquelle l'homme a été créé à l'image de Dieu. Genèse 1, 27. Et afin que les perfections invisibles de Dieu, qui ont été faites par les choses, nous fussent rendues intelligibles, Romains 1, 20, nous nous sommes arrêtés, du 9e au 14e livre, sur cette créature qui est nous. Enfin, après avoir autant et plus qu'il ne fallait peut-être, exercer notre intelligence sur des objets inférieurs, nous désirons nous élever jusqu'à la contemplation de cette souveraine Trinité qui est Dieu, et nous ne le pouvons pas. En effet, si nous voyons avec une certitude entière des trinités formées, soit des corps extérieurs, soit de la pensée qui résulte de la sensation qu'il nous imprime, ou quand des impressions naissent dans l'âme, indépendamment des sens corporels, comme la foi, comme les vertus destinées à régler notre vie, que la raison voit clairement et qui sont du domaine de la science, ou quand l'âme elle-même, par laquelle nous connaissons tout ce que nous disons avec vérité connaître, se connaît elle-même, ou quand elle voit quelque chose qu'elle n'est pas, quelque chose d'éternel et d'immuable? Si, dis-je, nous voyons la certaine Trinité avec certitude, parce qu'elle s'opère en nous, ou sont en nous, quand nous nous rappelons, quand nous voyons ou voulons ces choses, voyons-nous de la même manière la Trinité divine? Voyons-nous par l'intellect Dieu parlant, puis son Verbe, c'est-à-dire le Père et le Fils, puis l'amour procédant de l'un et de l'autre, comme un à l'un et à l'autre, c'est-à-dire le Saint-Esprit? Serait-ce que nous voyons ces trinités propres à nos sens ou à nos âmes plutôt que nous ne les croyons, et que nous croyons que Dieu est trinité plutôt que nous ne le voyons? S'il en est ainsi, ou les perfections invisibles de Dieu ne nous sont pas rendues intelligibles par les choses qui ont été faites, ou, si nous en voyons quelques-unes, nous n'y découvrons pas la Trinité, en sorte qu'il y a des choses que nous voyons et d'autres que nous devons croire sans voir. Or, dans le livre 8e, nous avons démontré que nous voyons le bien immuable, qui n'est pas nous, et le 14e nous l'a rappelé, alors que nous parlions de la sagesse que Dieu donne à l'homme. Pourquoi donc n'y reconnaissons-nous pas la Trinité? Serait-ce que la sagesse qui s'appelle Dieu, ne se comprend pas, ne s'aime pas elle-même? Qui osera le dire? Ou qui ne voit que là où il n'y a pas de science, il ne peut y avoir de sagesse? Ou bien devons-nous croire que la sagesse qui est Dieu connaît d'autres choses et s'ignore elle-même, ou aime d'autres choses et ne s'aime pas elle-même? S'il est absurde et impie de dire ou de penser ces choses, voilà donc la Trinité, c'est-à-dire la sagesse, la connaissance de soi, et l'amour de soi. C'est en effet ainsi que nous avons découvert une Trinité dans l'homme, l'âme, la connaissance qu'elle a d'elle-même, et l'amour dont elle s'aime. Chapitre 7. Il n'est pas facile d'entrevoir la Trinité divine d'après les trinités dont nous avons parlé. Mais ces trois choses sont dans l'homme et ne sont pas l'homme lui-même, car l'homme, suivant la définition des anciens, est un animal doué de raison et sujet à la mort. Elles sont donc la meilleure partie de l'homme, mais ne sont pas l'homme. Et une seule personne, c'est-à-dire chaque homme pris en particulier, les possède toutes les trois dans son âme. Que si nous définissons l'homme, une substance raisonnable composée d'une âme et d'un corps, il est évident que l'homme a une âme qui n'est pas corps, et un corps qui n'est pas âme. Conséquemment, ces trois choses sont dans l'homme, ou à l'homme, mais ne sont pas l'homme. Maintenant, abstraction faite du corps et à considérer l'âme seule, l'intelligence en est une partie, elle en est comme la tête si l'on veut, ou l'œil, ou la face. Mais il ne faut pas raisonner ici comme pour les corps. Ainsi donc l'intelligence n'est pas l'âme, mais la meilleure partie de l'âme. Or, pouvons-nous dire que la Trinité est en Dieu comme quelque chose qui lui appartient, mais n'est pas Dieu? Chaque homme, qui est appelé l'image de Dieu par son âme seulement, et non par tout ce qui tient à sa nature, est une personne et est par son âme l'image de la Trinité, mais la Trinité, dont cette âme est l'image, n'est pas autre chose que Dieu dans sa totalité, ni autre chose que la Trinité dans sa totalité. Rien n'appartient à la nature de Dieu qui n'appartienne aussi à cette Trinité, et les trois personnes sont une seule essence, et non, comme l'homme, une seule personne. Une autre différence énorme, c'est que quand nous parlons de l'âme dans l'homme, de la connaissance qu'elle a d'elle-même et de l'amour qu'elle se porte, ou de la mémoire, de l'intelligence et de la volonté, nous ne nous souvenons de l'âme elle-même que par la mémoire, nous ne la connaissons que par l'intelligence, et nous ne l'aimons que par la volonté. Mais, dans cette souveraine trinité, qui oserait dire que le Père ne se connaît lui-même, ne connaît le Fils et le Saint-Esprit? Que par le Fils, qu'il n'aime que par le Saint-Esprit, mais qu'il se souvient seulement par lui-même, de lui-même et du Fils, et du Saint-Esprit. Que le Fils pareillement, ne se souvient de lui-même ni de son Père que par le Père, qu'il n'aime que par le Saint-Esprit, et que par lui-même il ne peut que connaître le Père, se connaître lui-même et le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit à son tour se souvient, par le Père, et du Père et du Fils et de lui-même, qu'il connaît par le Fils et le Père et le Fils et lui-même. Mais que par lui-même il ne peut que s'aimer, et aimer le Père et le Fils. Comme si le Père était sa propre mémoire et celle du Fils et du Saint-Esprit, le Fils sa propre connaissance et celle du Père et du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit son propre amour, et l'amour du Père et du Fils. Oui, qui osera penser ou affirmer de pareilles choses de cette Trinité? Car si le Fils a seul de l'intelligence pour lui, pour le Père et pour le Saint-Esprit, on retombera dans cette absurde proposition que le Père n'est pas sage par lui-même mais par son Fils. Alors la sagesse n'aura plus engendré la sagesse, mais il faudra dire que le Père est sage de la sagesse qu'il a engendrée. Car il ne peut y avoir de sagesse là où il n'y a pas d'intelligence. Par conséquent, si le Père ne comprend pas par lui-même, mais que le Fils comprenne pour le Père, c'est évidemment le Fils qui communique la sagesse à son Père. Et si, pour Dieu, être et être sage c'est la même chose, si son essence est la même chose que la sagesse, le Fils ne sera plus du Père, comme l'enseigne la vérité, mais le Père tiendra son essence du Fils. Ce qui est le comble de l'absurdité et de l'erreur. Nous avons discuté, confondu, repoussé cette absurdité dans le septième livre, chapitre 1, 3, cela est très certain. Dieu le Père est donc sage de sa propre sagesse, et le Fils, sagesse du Père, est donc de la sagesse qui est le Père, duquel il a été engendré. Par conséquent, le Père est aussi intelligent de sa propre intelligence car il ne serait pas sage, s'il n'était pas intelligent. Mais le Fils est l'intelligence du Père, engendré de l'intelligence qui est le Père. Le même raisonnement peut s'appliquer à la mémoire. Comment en effet celui qui ne se souvient de rien, pas même de lui, serait-il sage? Donc, puisque le Fils est sagesse parce que le Père est sagesse, le Fils se souvient de lui-même, comme le Père se souvient de lui-même. Et comme c'est par sa propre mémoire, et non par celle de son Fils, que le Père se souvient de lui-même et de son Fils, de même le Fils se souvient de lui-même et de son Père, non par la mémoire de son Père, mais par la sienne propre. Mais où il n'y a pas d'amour, peut-on dire qu'il y a sagesse? Il faut donc conclure que le Père est son propre amour, comme il est son intelligence et sa mémoire. Donc dans cette souveraine et immuable essence qui est Dieu, ces trois choses, la mémoire, l'intelligence, l'amour, ne sont pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais le Père seul. Et comme le Fils est aussi sagesse engendrée de sagesse, que ce n'est point le Père ni le Saint-Esprit qui comprennent pour lui, mais qu'il comprend par lui-même, ainsi ce n'est point le Père qui se souvient pour lui, ni le Saint-Esprit qui aime pour lui, mais il se souvient et aime par lui-même, car il est sa propre mémoire, sa propre intelligence, son propre amour. Néanmoins il tient tout cela du Père, de qui il est né. Également, comme l'Esprit Saint est sagesse procédant de sagesse, il n'a pas le Père pour mémoire, le Fils pour intelligence et lui-même pour amour, car il ne serait pas sage, si un autre se souvenait pour lui, si un autre comprenait pour lui, et qu'il n'eût à lui-même que son propre amour. Mais il possède lui-même ces trois choses, et il les possède en ce sens qu'elles sont lui. Toutefois il les tient d'où il procède. Mais qui donc, parmi les hommes, peut comprendre cette sagesse par laquelle Dieu connaît toutes choses, De telle sorte que ce que nous appelons passé n'est point passé pour lui, qu'il n'a point à attendre ce qui doit venir, mais que le passé et le futur sont pour lui la même chose que le présent, qu'il ne voit pas les choses une à une, que sa pensée ne passe pas d'une chose à une autre, mais qu'il embrasse tout à la fois d'un seul regard. Quel homme, dis-je, comprend cette sagesse, qui est tout à la fois prévoyance et science, alors que nous ne comprenons pas même la nôtre? Nous pouvons, il est vrai, voir d'une manière quelconque ce qui est présent à nos sens ou à notre intelligence, mais ce qui a cessé de leur être présent, nous ne le connaissons plus que par la mémoire, si nous ne l'avons pas oublié. Nous ne jugeons pas le passé par l'avenir, mais nous conjecturons l'avenir d'après le passé, et encore d'une manière peu sûre. En effet, quand nous prévoyons certaines pensées, avec plus de clarté et plus de certitude, parce qu'un avenir plus prochain les met, pour ainsi dire, sous nos yeux, nous ne le pouvons, dans la mesure où nous le pouvons, que par l'action de la mémoire, faculté qui semble appartenir au passé plutôt qu'à l'avenir. Nous en avons l'expérience dans les paroles ou dans les chants que nous reproduisons de mémoire dans leur enchaînement, car nous n'en viendrions pas à bout, si nous ne prévoyions en pensée ce qui doit suivre. Et cette prévision, pourtant, n'est pas l'effet de la prévoyance, mais bien de la mémoire, puisque, jusqu'à la fin de ce que nous avons à dire ou à chanter, tout sera prévu, aperçu à l'avance. Cependant, dans ce cas, on ne dit pas que nous parlons ou que nous chantons par prévoyance, mais par mémoire. Et chez ceux qui ont, sous ce rapport, une faculté extraordinaire, c'est la mémoire convenant et non la prévoyance. Tout cela se fait en notre âme ou par notre âme, nous le savons, nous en avons la certitude. Mais comment cela se fait-il? Plus nous cherchons à le savoir, plus la parole nous fait défaut, et notre attention elle-même ne saurait se soutenir jusqu'à nous le faire, sinon exprimer, du moins comprendre. Pensons-nous que notre esprit si infirme puisse jamais comprendre que la providence divine est la même chose que la mémoire et son intelligence, cette providence qui ne pense pas en détail, mais embrasse tout l'objet de ses connaissances d'un regard unique, éternel, immuable et au-dessus de toute expression? Au milieu de ces difficultés et de ces angoisses, c'est le cas de crier au Dieu vivant, votre science est merveilleusement élevée au-dessus de moi, et je n'y pourrai atteindre. Psaume 138, 6. Je comprends, d'après moi, combien est admirable et incompréhensible cette science par laquelle vous m'avez créé, puisque je ne puis pas même me comprendre, moi que vous avez fait. Cependant mon cœur s'est enflammé dans ma méditation. Psaume 38, 4, afin de chercher sans cesse votre présence, Psaume 104, 4. Markemdanarchive.org, d'après Abbaye Saint-Benoît.ch, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique.